We'll be right back. If by any chance you would make a mistake to try to come in and take any one of us, we will not let you. You will die. You will have to take anybody over all of our dead bodies. Love is the only weapon. Shit! Bullshit! Thank you. We'll be right back. montagnes, qui font chez parmi eux. Je vois les coquilles comme le sang et les entrailles, la peau sera jamais vicieux. Et je marche en silence dans du tumulte horrible, emporté par les orages infieux. 喋る。タラタラタラタラ長いは無用。くるくるくるくる引きずり引きずり。くるくるくるくるべっかりべっかり。いい加減いい加減。ダラダラ垂れ流し、ダラダラダラダラ夢に心地、ズルズルズルズルレチャレチャレチャレチャ、ズルズルズルズル生かした気分、いい加減いい加減。 Rock and roll!